avions fini aux écoles. Ma gâte les yokés ouvert la porte là. Moi ni l'impression, moi j'ai senti l'odeur pays moins qu'à monter et puis chalet. Moi bien changé, est-ce papa moi qui reconnaît moi? Moi presse des rois, j'ai moins serré. Encore y mettre ou moins chercher qui m'ont vini. Encore attendre avant. Hey, papa, moi arrivé, moi là, ou pas besoin de pleurer, moi bébé parti. Moi là, ou moi était et puis moi j'ai décidé. Travail au pays, papa, ça finit. Nous ne pouvons jamais séparer. Oh, séparer. À présent, ça veut nous dévoir. L'auto a ouvert pour valise moins. Mon Dieu, c'est un rêve. Pays à la anti la pluie tombée, l'eau de la terre montée. Moins bien changé, pourtant flèche quand la bien dressée. Qu'à remplir, j'ai moins serré. Encore d'y mettre, où nous river, bocaille. Encore attendre, pour dire. Papa, moi arrivé, moi là, ou pas besoin de pleurer, moi bébé, pas. Que jamais séparés, oh, séparés. Savez, nous devons quand flotte a ouvert ou valise moins. Mon Dieu, c'est un rêve. Pays à la anti la pluie tombée, l'eau de la terre montée. Moi bien changé pourtant. Flèche quand la bien dressée. Mon cœur rempli, j'ai moins serré. Encore d'y mettre, où nous vivons bon cœur. Encore attendre, pour dire. Papa, séparés, oh, séparés.